sur By Concept. Alors aujourd'hui, on va aller interviewer le fondateur d'un coffee shop assez connu sur Paris qui s'appelle Fringe Coffee Shop. Donc on va aller le voir et on va lui poser plein de questions. Venez. Donc salut Jeff. Je voulais un peu savoir ton background. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as fait avant d'ouvrir ce coffee shop? Mm-hmm. Et d'où tu viens? Bon. Alors bon, bah, je suis américain. Je viens de Santa Fe, Nouveau-Mexique. Okay. Je suis à Paris depuis que je suis étudiant. Je suis venu faire des études et j'adorais la langue française et Paris et tout ça. Donc je suis resté d'abord pour poursuivre mes études universitaires, ensuite pour faire de la recherche à l'université. D'accord. Mais la passion, la vraie passion, c'était la photo. Oui. Et ce qui est marrant, c'est que pendant tous mes voyages, j'ai fait des photos en France, j'ai fait des photos à l'étranger, et à chaque fois, je me dis, mais ça serait bien d'avoir un café, un espace de partage. Mais c'était juste une idée qui me trottait dans la tête. Depuis des années déjà. Oui, et même quand je suis venu en France, c'était avant même que les boulangeries aient des cookies, des cakes et tout ça. Mais j'ai rien fait pendant très longtemps. Okay. Ensuite, jusqu'au jour où j'ai eu un café de spécialité. Et en fait, donc j'étais dans le quartier, là où j'habite, au Broken Arm, et j'ai eu mon premier café de spécialité. Mmh. Et j'ai vu comment le barista faisait le café, et goûtait, ah, c'est pas bon, je jette, je refais, ouais. Enfin, j'avais jamais vu ça. Hein. Ouais. Normalement, si on appuie sur un bouton, on fait autre chose, on revient 5 minutes plus tard, quand c'est froid. C'est fini, et... c'est voilà. Bon. Voilà, c'est ça. Et donc, ça m'a interpellé. Et donc, elle m'a fait goûter une et dit, ok, le prochain, ça va être mieux. En fait, ça m'a interpellé. Et c'est arrivé au moment où je voulais arrêter la photo commerciale. Parce que quand j'ai débuté la photo, je faisais beaucoup d'expositions. Et c'est ça qui m'intéressait le plus. Et puis, je suis devenu photographe commercial pour faire la pub, etc. Et j'en avais un peu marre de faire ça. Voilà. Donc je voulais revenir à l'origine, à la vraie passion de la photo. Et je me demandais, mais comment je vais faire ça? Parce qu'à Paris, je ne vais pas me lancer dans une carrière de photo artistique. Voilà, c'est ça. Et quand j'ai eu cet expresso, voilà, l'idée de tous, à chaque fois j'allais à quelque part, oui, ça serait bien d'avoir un coffee shop et tout ça. Et donc, en fait, avec juste ça, ça m'a donné, ah oui, mais finalement, oui. Mmh. Et donc, ça m'a donné l'idée, comment tu te lances? Parce que tu fais ce métier-là, tu... Je connais rien, enfin, je savais même pas qu'il y avait des coffee shops à Paris. Moi, j'allais au café du coin, ça, et pour moi, ce genre d'expresso, c'était tel qu'il était, c'était comme ça un expresso. Après, je commençais à renseigner, je suis allé dans les coffee shops. Ah oui, alors tu t'es renseigné, du coup, t'as cherché sur Internet? J'ai demandé à la barista parce que coup, je suis retourné tous les matins pour voir mon expresso, lui parler, etc. C'était même avant que Loustic ouvre. Ouais, voilà, donc d'accord. C'était juste pour situer le timeline. Ouais, parce qu'il y a trois vagues de Oui, parce que j'avais entendu après, quelques mois après ça, que Loustic allait ouvrir, et ben je suis allé chez Loustic, et puis après, Fragment, il a fermé le précédent, il a ouvert Fragment, et je suis allé là aussi au début, tout au début. Et donc, à Ten Bells, et voilà, tout ça. Donc en fait, je regardais. Qu'est-ce c'est que c'est inspiré de tous ces. Oui, je regardais qu'est-ce qui se passait, comment faire, et puis. Après, je dis, mais est-ce que j'aime faire le café? C'est bien de boire, de fréquenter les coffee shops, mais est-ce que c'est quelque chose que j'aime produire quotidiennement? Donc, je me suis dit, il faut se former. Ok. Et donc, à l'époque, je connaissais que la caféothèque pour ça. Mm-hmm. Et donc, je me suis formé à la caféothèque. Il y avait un barista qui s'appelle Yad. Ok. Et en fait... en dehors, en fait, je sais pas si c'était en dehors, mais enfin, ça s'est passé comme ça. je venais et il me formait un peu, disons, voici la machine, voici un sachet de café, il faut régler la machine pour sortir un bon café. Donc quand j'avais quelque chose que je pensais correct, il goûtait en disant, non, c'est un goût de métal, c'est un goût de ceci, il faut le refaire. Hein. C'est un peu comme le maître et son disciple. Et donc ça c'était super. Voilà. Okay. Et donc ça m'a donné le goût de commencer, parce que souvent les formations, c'est, je pense que avec le temps, on touche sur beaucoup de choses et après il faut pratiquer. Et quand on n'a pas une machine expresso à la maison ou voilà. Et du coup, tu t'es lancé directement après cette formation? Après il y avait, donc j'ai dit ok, je vais procéder par étapes. Ouais. Donc première étape, ok. Bon, déjà j'ai eu mon idée, l'idée qui m'est revenue depuis des années. Oui, c'est ça que j'ai envie de faire, parce que aussi je trouvais un lien entre la photo et le café tel que je commençais à le vivre, le café artisanal. Ouais. Et il y a aussi le coffee shop en lui-même. Je pense que c'est un lieu de partage. Ok. C'est, et la photo aussi, c'est on partage ses photos, on partage sa vision. Ouais. Et le coffee shop, on partage, les gens viennent partager avec leurs amis, raconter leur vie, des informations. En tant qu'indépendant, je donnais des rendez-vous à mes clients dans les coffee shops. C'est pour ça que je pouvais le faire, parce que j'ai une mentalité plutôt artistique. J'ai du mal à faire quelque chose juste pour le faire. C'est, j'ai une idée commerciale, je vais le faire. Il faut que ça ait un sens pour moi. Et donc en fait c'est une passion, donc j'ai pu réunir les deux passions dans cet endroit là. C'est pour ça que chez Fringe je fais des expos, je soutiens des photographes indépendants qui publient leurs travaux, etc. Mais après il y a le côté business. Voilà. Et ça, être un photographe indépendant et tenir un commerce, c'est pas la même chose. Donc je me suis tourné, j'ai appris qu'il y avait des formations à la Chambre de commerce de Paris. Donc c'était 7 jours pour l'ouverture ou 3 jours pour l'ouverture, réussir l'ouverture de son restaurant. D'accord, ok. Donc plus de ça, c'était un restaurant qui est vraiment pas similaire à l'ouverture d'un coffee shop. Voilà, tout à fait. Donc parce que en France, c'est salon de thé, restaurant, restauration rapide. Je crois qu'il y a 3 catégories et c'est tout. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, ils posaient les bases enfin, pour le bail, pour la carte, pour toutes sortes de choses. D'accord. Mais c'est, encore une fois, en 3 jours, c'est un survol. Donc, comme il n'y avait pas de ressources comme... voilà, exactement. J'ai demandé à la Chambre de commerce de suivre mon projet. Et ça, c'était un support totalement gratuit de la part de la Chambre de commerce? Non, c'est payant. Ok. Voilà. Donc, c'est un service payant. Ils acceptent pas tous les dossiers non plus. Okay. Donc à la suite de la formation, moi j'avais fait un certain nombre de calculs. J'avais fait un plan, grosso modo. Hein. Mm. Et après, alors ce que eux ils étaient, ça dépend des conseillers. Hein, mais je pense que j'avais un bon conseiller. Et lui, il a dit ok, bah c'est très bien, projet intéressant. Je ne sais pas ce que c'est un coffee shop. Voilà. Ça ne rentre pas dans les 3 catégories de commerce de restaurants. Voilà. Hors contexte, donc, parce qu'il ne comprenait pas. Donc, je l'ai amené chez Loustic, j'ai amené chez Fragment, j'ai amené au Broken Arm, à Ten Bells, voilà, pour qu'il voit. Ce qui était bien et ce que moi je pense c'est bien, c'est qu'il faut avoir un concept. Que pour la chambre de commerce, c'est un conseil très utile. C'est que chercher un local, c'est la dernière étape et pas la première étape. C'est que souvent les gens ils trouveront c'est un super local, donc je vais faire en sorte que mon concept rentre dans ce local. Okay. Par exemple, moi je voulais exposer des photos, donc je ne peux pas avoir un bas de plafond. Et donc il y a une certaine disposition dont j'avais besoin. Aussi, mon concept Fringe de photos, je pense que ça n'allait pas dans tous les quartiers. Oui. Donc, en fait, je cherchais un local avec une certaine disposition, une certaine hauteur de plafond dans un certain quartier. Pour que c'est ça. Okay. Parce que si j'ai un concept aussi, je pense que aussi fort et pointu, bah, il faut que ça intéresse les gens autour parce que je ne veux pas viser que les touristes. Bien sûr. Et je veux aussi, je voulais aussi avoir des gens locaux. Local, ouais. Le quartier local. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Okay. Et donc, il faut que le concept, ça les intéresse. Oui. Et comment tu as trouvé ton local, du coup tu as eu des difficultés? Le conseiller t'a aidé à le chercher? Alors, le conseiller, ils ont un service, mais c'est plutôt restaurant. Mm. Ouais. Il y a des restaurateurs qui veulent quitter leur restaurant, ils cherchent des repreneurs. Ça ne correspond pas à mon cas. Ouais. Et ils ont aussi, la chambre de commerce déconseille fortement de faire des conversions. Et je pense qu'il y a beaucoup de coffee shops, ils ont repris des locaux qui étaient destinés à des restaurants normalement. Qui n'étaient pas destinés justement, comme moi, parce que c'est moins cher. Ouais. Ouais. Et c'était quoi toi avant? Des chemises d'homme. Voilà. Et ils déconseillent parce qu'il faut mettre tout autour d'hommes, il n'y a pas d'extraction, etc. Mm. Et ça, ils m'ont conseillé là-dessus, mais ils déconseillent, ils sont plutôt, on veut ouvrir un restaurant, donc on cherche un restaurant à reprendre. Okay. Et on ne fait pas un restaurant à partir de zéro. Voilà. Okay. Et donc en fait, ce que je pense que beaucoup d'endroits de coffee shop, je ne connais pas les histoires, mais avant, il n'y avait pas un restaurant avant. Donc, ouais. C'est quand même limité si tu dois choisir des locaux qui ont été que des restaurants, finalement tu te coupes de beaucoup de choix. Oui, voilà. Et aussi, c'est une question de budget parce que souvent, si c'est un restaurant avec tout le matériel, etc., c'est beaucoup plus cher à reprendre. Ah oui, parce que tu dois reprendre tout le matériel. Voilà. Donc là, tu as choisi ce local en fonction de. Alors, ça m'a pris 3 ans. 3 ans ? Ouais. Alors que ce soit bien placé. Sinon, ça, on peut le faire, mais voilà, ouais. C'est ça. Donc, une fois que tu l'as trouvé, comment est-ce que ça s'est passé en termes de formalité? Tu as pas eu de difficultés le bail commercial, tu as pu le changer et en faire un coffee shop facilement ou... Alors, j'ai eu des difficultés parce que c'est pas le premier que j'avais trouvé. D'accord. J'ai pas eu les autres parce que le propriétaire a cédé à la pression de la copropriété parce qu'il ne voulait pas la restauration. Quand même, dans l'esprit des gens, on fait la restauration, donc ça fait du bruit, ils ont peur que ça ramène beaucoup trop de monde, il y a du bruit, des odeurs. Pour eux, un restaurant, ça va rester même tard le soir, donc avec l'alcool, etc. Et donc, ils ont peur. Donc, certains propriétaires, ils ont cédé à la pression de la copropriété en disant non, il ne faut pas laisser installer ça chez nous, on était tranquille avant. voilà, c'est ça. Okay. Et donc, en fait, ma propriétaire actuelle n'a pas cédé à cette pression-là. Okay. Voilà. Elle a cru à ton projet. Voilà, tout à fait. Okay. Et maintenant, la copropriété me laisse tranquille. Aussi parce qu'ils savent, ils ont vu, je ne suis pas ouvert le soir, je ne vends pas d'alcool jusqu'à minuit, je ne vends pas du tout, mais enfin, je ne vends pas d'alcool ou des gens peuvent être. Je pense qu'il faut un peu de temps aussi pour que la population soit éduquée au coffee shop. Oui, tout à fait. Personne ne connaît réellement ce qu'est un coffee shop, à part la clientèle qui est habituée justement. D'ailleurs, ta clientèle, c'est très. Locale, très étrangère, très. Je dirais c'est assez local. Ouais. Mais peut-être 60% local. 60% local, ok. Ouais, voilà, je pense. Il y a quand même des touristes, mais c'est pas un quartier touristique comme la Tour Eiffel ou Notre-Dame. Ouais. Mais c'est une autre catégorie de touristes qui veulent voir, parce que dans la Marais, il y a beaucoup de galeries. Ouais. On m'a dit qu'il y a à peu près 125 galeries dans le quartier, dans le troisième, dans le Marais. D'accord. On ne parle même pas du quatrième. Et c'est très concentré, il y a beaucoup de créateurs indépendants. Ouais. Donc les touristes qui viennent dans ce quartier, ils viennent pour ça. Ce n'est pas la même population aussi non plus du quatrième, qui est encore plus touristique, mais d'un autre type de... Donc en fait, même les touristes qui viennent dans ce quartier, c'est aussi les gens que je cherche aussi. Ouais, c'est ça. Voilà. D'accord. Et du coup, comment tu t'es fait connaître de cette clientèle locale? Est-ce que tu as fait une stratégie marketing, de communication? Ok, je suis très nul. Les réseaux sociaux, non? Tu aurais pu m'aider, probablement. Mais je suis très nul. Okay. Moi, je voulais faire... Est-ce que je l'ai fait pour toi, du coup, ou... Non, non. Okay. Enfin, moi, je... Toi, ils ont... En fait, j'ai ouvert. Il n'y avait même pas de fête d'ouverture. J'ai ouvert un jour. Voilà, c'est tout. Tu n'as pas fait appel à une agence de relations presse? Non, non, non. Le trafic est venu naturellement? Voilà, petit à petit. Donc, je pense que c'est Instagram, Facebook. Tu as quand même une page Facebook et une page Instagram? Ouais, voilà. Okay. Voilà. Et en fait, je fais comme ça. Voilà. Okay. Donc, c'est très lent. Je sais que c'est très lent à démarrer. Mais je pense que c'est peut-être aussi ma personnalité, oui, j'aime pas... Show off... Voilà, ouais, voilà, exactement, t'as compris. Voilà, donc c'était juste, j'ouvre et si on travaille petit à petit, on fidélise plus la clientèle comme ça. Donc j'ai encore, même aujourd'hui quand tu es venu, il y avait une cliente qui est écrivaine argentine, elle était là depuis le début, elle est là maintenant, voilà. Et donc ça fait plus d'un an. Et donc j'ai beaucoup de clients comme ça qui viennent parce qu'ils aiment bien ce qu'on fait, ils aiment bien l'esprit, etc. Ouais, donc c'est pas juste trendy et puis et superficiel. Il y a une vraie âme. Il y a pas forcément. Enfin, voilà. Mais ce que je voulais pas, c'est que ce soit juste une flambée et c'est très trendy et puis tout le monde bien et puis je fonctionne là-dessus. C'est plutôt une lente progression. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu es rentable dans ton business ou au bout d'un an d'activité? Au bout d'un an, disons que je peux payer tous les frais. Les salaires. Les salaires, la marchandise, le loyer, le remboursement du prêt bancaire. Oui, parce que tu es à la banque pour faire un prêt. Voilà. D'ailleurs, tu as fait un business plan, tu me disais que tu avais fait un plan, mais est-ce que tu as... Alors, j'ai fait un business plan, c'est la chambre de commerce qui m'a aidé à faire un business plan, qui était très utile parce que ça, c'est aussi, je suis très nul pour ça. Tu l'as fait pour toi gratuitement? Non, ça faisait partie, ça faisait partie du package de suivi de l'ouverture d'un restaurant. Voilà. Ok, d'accord. Et donc j'ai présenté à plusieurs banques et donc j'ai eu un prêt donc assez avantageux. Tu l'as eu facilement parce que je sais que les banques sont très frileuses en ce moment de prêter. Bah, c'était il y a un an et demi. Non, je n'ai pas eu trop de difficultés. Ok. Voilà. D'accord. Voilà. J'ai vu plusieurs banques. Plusieurs étaient prêtes à financer. Oui. Et donc, bah, je serais celle qui avait les meilleures conditions. Ouais. D'accord. Mais je pense que je pense que c'est essentiel, même pour soi-même, même si on n'a pas un prêt bancaire, c'est bien d'avoir un business plan. Oui, ouais. Bien sûr. D'ailleurs, je suis en retard par rapport au business plan, mais au moins ça fonctionne quand même. Oui, parce que je suppose que tu le suis quotidiennement, ta gestion budgétaire, en fonction du business plan que tu avais fait en amont. Oui, tout à fait. Parce que on a une offre cuisine qui est assez développée. Oui. Et le week-end, on est submergé. Donc, il fallait que j'embauche quelqu'un en plus pour aider les week-ends, d'accord, surtout l'après-midi, qui n'était pas prévu, dans le business plan. Okay. Parce que j'estime que, je sais souvent, les coffee shops, c'est un peu relax, le service peut laisser à désirer. Mais moi, je voulais faire un service à la française, entre guillemets, où les gens s'assoient à table, ils sont servis à table et qu'ils n'attendent pas trop. Donc, j'ai voulu embaucher quelqu'un pour assurer ce genre d'engagement. En termes de déco, d'aménagement du local, tu as fait appel à un architecte Non, pas de sous. Donc, budget serré. Voilà, donc budget serré. J'ai fait moi-même au mieux. Ok, J'aime le design danois parce que souvent on dit que c'est danois. Mais en fait, j'aime le bois, j'aime les choses très simples. Donc, assez minimal. Ouais. J'ai designé la cuisine. J'avais pas beaucoup d'expérience aussi. Enfin, au niveau des. parce que j'avais tout ça. Donc c'est pas une cuisine avec extraction, on fait pas beaucoup de choses, mais c'est l'agencement de tous les appareils, c'est et pour optimiser les gestes. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Soit... Et c'est toi qui l'as fait. Hein. Oui, oui, au mieux encore. Voilà. Ouais, parce qu'embaucher quelqu'un, ça fait augmenter l'investissement initial. Et, voilà. Ouais, j'imagine. Mmh. Je suis sûr que ça aurait pu être mieux fait, plus joli, mais aussi, il y a aussi une espèce de fierté. Je l'ai fait. C'est toi qui l'as fait. Ouais. Ça fait partie aussi de ton concept. Oui, j'allais dire aussi. Voilà, tout à fait. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des conseils à donner à des gens qui veulent monter un coffee shop, que ce soit à Paris ou ailleurs en France ou même à l'étranger? Comment est-ce que tu conseillerais quelqu'un qui voudrait se lancer également? En tout cas, des conseils que toi, tu aurais aimé avoir avant de te lancer. Ah, ça, c'est une bonne question. Moi, je pense que le business plan, c'est super important. Si on ne sait pas il faut voilà, quelqu'un qui se connaît, parce que c'est vraiment très important. L'autre, je pense qu'il faut avoir maintenant un concept. Ok, une idée. Une idée. Je pense que c'est très important pour se différencier. Parce que si on a un coffee shop, je pense on n'est pas. Enfin, la plupart des gens, ils n'ont pas beaucoup de budget, comme moi. Donc, on n'est pas super bien placé. Donc, il faut avoir un concept pour attirer les gens. Quelque chose qui est, je dirais, qu'est-ce qui les rend uniques par rapport aux autres. Et aussi pour dire, c'est que les compétiteurs, enfin, si on peut dire ça, ne sont pas juste les autres coffee shops. C'est la boulangerie qui vend des sandwichs, qui vend le café emporté, c'est les bistrots ou les autres restaurants d'à côté. Donc comment on peut se différencier de tous ces gens-là? Parce que le consommateur qui va venir, dans le quartier, il a un choix. Il y a 10 endroits. Qu'est-ce que j'ai envie de manger? C'est ça. Ou qu'est-ce que j'ai envie de boire? Il y a les coffee touristes, ça c'est autre chose. Il y a les coffee touristes, ce que j'appelle les coffee touristes, les gens qui sont passionnés par le café. Ils vont chercher des endroits dans un quartier, comme moi je fais maintenant, même à l'étranger, où est le bon café. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'on ne peut pas vivre qu'avec une clientèle comme ça. Voilà. Okay. Des touristes, même des Parisiens dans notre quartier, voilà. Et donc, il faut voir son offre par rapport aussi à ce qui nous entoure. Ouais, voilà. Bien sûr. Voilà. Okay. Et ça, je pense que c'est faire une analyse du secteur d'implantation pour proposer quelque chose qui est très différent de... Ouais, et qui correspond à la clientèle locale ou implanter son concept. Il faut vraiment que ça soit cohérent. Oui, tout à fait. Okay. Donc je pense que ça c'est très important. Ok, top. Voilà. Ben, merci beaucoup, Jeff. Merci, Inès. Et bonne continuation pour ton coffee shop. Ok, merci beaucoup. Merci.